Tous les quarts d'heure à peu près, Rosanette ouvrait les rideaux pour contempler son enfant. Elle l'apercevait, dans quelques mois d'ici, commençant à mâcher, puis au collège, au milieu de la cour, jouant au bar, puis à 20 ans, jeune homme. Et toutes ces images qu'elle se créait lui faisaient comme autant de fils qu'elle aurait perdus, l'excès de la douleur multipliant sa maternité. Frédéric, immobile dans l'autre fauteuil, pensait à Madame Arnoux. Elle était en chemin de fer sans doute, le visage au carreau d'un wagon, et regardant la campagne s'enfuir derrière elle du côté de Paris, ou bien sur le pont d'un bateau à vapeur, comme la première fois qu'il l'avait rencontrée. Mais celui-là s'en allait indéfiniment vers des pays d'où elle ne sortirait plus. Puis il la voyait dans une chambre d'auberge, avec des malles par terre, un papier de tenture en lambeaux, la porte qui tremblait au vent. Et après, que deviendrait-elle? Institutrice? Dame de compagnie? Femme de chambre, peut-être? Elle était livrée à tous les hasards de la misère. Cet ignorant de son sort le torturait. Il aurait dû s'opposer à sa fuite ou partir derrière elle. N'était-il pas son véritable époux? Et, en songeant qu'il ne la retrouverait jamais, que c'était bien fini, qu'elle était irrévocablement perdue, il sentait, comme un déchirement de tout son être, ses larmes accumulées depuis le matin, débordèrent. Rosanette s'en aperçut. « Ah, tu pleures comme moi. Tu as du chagrin ?»« Oui, oui, j'en ai. » Il la serra contre son cœur, et tous deux sanglotaient, en se tenant embrassés. Madame d'Ambroise aussi pleurait, couchée sur son lit, à plat ventre, la tête dans ses mains. Olympe Regimbard, étant venu le soir lui essayer sa première robe de couleur, avait compté la visite de Frédéric, et même qu'il tenait tout près 12 000 francs destinés à M. Arnoux. Ainsi cet argent, son argent à elle, était pour empêcher le départ de l'autre, pour se conserver une maîtresse. Elle eut d'abord un accès de rage, et elle avait résolu de le chasser comme un laquais. Des larmes abondantes la calmèrent. Il valait mieux tout renfermer, ne rien dire. Frédéric, le lendemain, rapporta les 12 000 francs. Elle le pria de les garder, en cas de besoin, pour son ami, et l'interrogea beaucoup sur ce monsieur. Qui donc l'avait poussé à un tel abus de confiance? Une femme, sans doute. Les femmes vous entraînent à tous les crimes. Ce ton de persiflage décontenança Frédéric. Il éprouvait un grand remords de cette calomnie. Ce qui le rassurait, c'était que Madame d'Ambroise ne pouvait connaître la vérité. Elle y mit de l'entêtement, cependant, car, le surlendemain, elle s'informa encore de son petit camarade, puis d'un autre, de Deslauriers. Est-ce un homme sûr et intelligent? Frédéric le vanta. Priez-le de passer à la maison un de ces matins. Je désirerais le consulter pour une affaire.